37 exercice test, interrogation. Vous allez entendre 10 phrases. Pour chaque phrase, indiquez si c'est une déclaration ou une question. Cochez la case appropriée. 1. Le jeune homme va être gros. 2. Il est plus grand que Mireille. 3. Il est costaud. 4. Je préfère les cheveux blancs. 5. C'est entendu? 6. La jeune fille va rencontrer le jeune homme? 7. Ça ne va pas du tout. 8. Il faut lui laisser du temps? 9. Tu vas faire la sieste. 10. Vous allez faire la sieste?